بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions d'Allah et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion. Et tout ce qui est inventé dans la religion pour se rapprocher d'Allah s'appelle des innovations. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Aujourd'hui, Inch'Allah, on fait comme sujet Asbab al-I'rad an al-Haq. Qu'est-ce qui fait en fait qu'une personne, lorsqu'elle connaît la vérité, n'agit pas sur cette vérité? C'est ça. Et notamment l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, yani la clé de la maison du paradis et du bonheur, il a cité notamment 10 causes. Hein, 10 causes qui font qu'une personne qui connaît la vérité, mais malgré ça, elle n'agit pas sur cette vérité. Le savoir en lui-même est une cause pour l'amélioration de la personne. Eh bien, ça, c'est en fait un sabab, bashit hassan, normalement. Hein? Donc, lorsqu'il reçoit du ilm, normalement, il connaît plus Allah, donc il va plus yattaqillah, il va plus craindre Allah, et il va corriger sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va aussi avoir un impact sur, d'une part, sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, sur sa relation avec les gens, et le monde qui l'entoure. Et ça, c'est, yani, ikun. Le bonheur, sa'ada, tu vois, c'est comme une clé. Lorsque la personne a ce savoir-là et elle applique sur ce savoir-là, c'est, elle a pris cette clé-là et elle l'utilise pour connaître le bonheur. Mais il y a de nombreuses causes qui expliquent pourquoi une personne n'agit pas sur le savoir qui lui permettrait de connaître ce bonheur, la paisibilité de l'âme et... Yani, que tu as la conscience tranquille avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si on peut dire ça. Yani, comme l'imam Ahmed, rahimahullah, yani, il avait dit que la seule fois où est-ce qu'il pourrait sentir qu'il est tranquille, c'est lorsqu'il aura les 2 pieds au paradis, pas un. Subhanallah. La première des causes, c'est quoi? C'est en fait qillat al-'ilm fi hadha. Ok? C'est déjà le peu de connaissances dans cela. Par exemple, une personne lit. Qui va là ignorer par exemple tel ou tel savoir. Et bien ce qu'il y a, c'est qu'elle ne pourra pas agir dessus. La deuxième cause, c'est quoi? C'est que la personne, elle peut avoir une connaissance totale de la vérité. Exactement, elle sait où est-ce qu'elle est la vérité. Mais n'agit pas dessus, car en fait, le lieu... L'endroit qui sert à la purification de l'âme n'est pas pur et n'est pas prêt à l'être. Okay? C'est quoi l'endroit qui sert que l'âme est purifiée? C'est le cœur. Mais si le cœur il n'est pas prêt à accepter, il n'est pas purifié, parce que pour qu'il soit prêt à accepter la vérité, il faut qu'il y ait une sorte de tazkiyat an-nafs, ok? C'est-à-dire que il la purifie son âme. Il la purifie de tout ce que l'hypocrisie, tout ce qui est, tu vois ce que veut dire, l'arrogance, quoi que ce soit, il essaie de la purifier. Hadha mouch fi l'ma'na nta wahed yizaki nafsu ma'nata wa la tuzakku anfusakum. Non, c'est wa la tuzakku anfusakum entre vous. Ne dites pas qu'un tel, il est comme ça, voilà, il est ta'til ou un très haut degré, alors que peut-être que Allah il sait que en fait c'est pas le cas. Tu vois? Donc c'est pour ça. Là ce qu'on parle, c'est tazkiyat an-nafs, ça veut dire que la personne elle-même, dans sa relation avec Allah, elle doit purifier son cœur pour qu'elle soit prête à accepter cette vérité-là. Ok? Mais si une personne elle sait la vérité, mais n'agit pas dessus, c'est parce que le lieu, il n'est pas prêt. C'est comme une terre, comme on va dire un plancher. Un plancher. Okay? C'est un plancher, là. Tu vois, disons c'est un plancher. Mais c'est que des trucs en bois. Tu peux faire ce que tu veux. Comment ça s'appelle? La pluie tombe dessus. Il n'y aura jamais de plantation qui va pousser. Elle est comme ça. Tu peux rien planter dessus. Tu peux rien planter. L'endroit, il n'est pas prêt. Donc si l'endroit n'est pas prêt, même s'il sait aller où la vérité, il ne pourra pas agir dessus. Et ce qu'il y a, c'est que c'est comme je disais le plancher, eh bien, il sera privé de végétation. C'est pour ça qu'il dit, l'imam al-Qayyim rahimahullah, فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ قَاسِيًا حَجْرِيًا لَا يُقْبَلْ تَسْكِيَةً وَلَا تُؤَثَّرْ فِيهِ النَّصَائِحِ. C'est-à-dire que si le cœur, il est dur, hein, قَاسِيًا, dur, حَجْرِيًا, comme de la pierre, dur comme de la pierre, eh bien, il n'accepte pas الْتَسْكِيَةً, ça veut dire que le fait que son âme soit purifié, la purification du cœur, il ne va pas l'accepter. Et même les conseils que tu vas lui donner, ça ne va rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un problème dans l'endroit de la purification. Donc si le cœur est dur comme pierre, il n'accepte pas la purification du cœur et les conseils ne l'atteignent pas. Et en plus, لم ينتفع بكل علم يعلمه. En plus, c'est qu'il ne pourra pas bénéficier du ilm qu'il a appris. Eh bien, il ne pourra pas en bénéficier. Il apprend du ilm, mais il ne pourra pas en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas agir dessus. Pourquoi? Parce que, déjà, pour accepter ce ilm-là, pour agir dessus, il faut que nafs elle est purifiée. Comme on disait, c'est comme une terre, comme un plancher, qui n'est pas prêt à accepter. Même si la pluie, même la pluie ne peut pas lui être bénéfique. Et même si la pluie, elle est énorme, ça ne peut pas être bénéfique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ce type de personnes, إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Ceux contre qui la parole de ton Seigneur, yani la menace, se réalisera, ne croiront pas. Ceux contre qui, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé ce type de personnes-là, eh bien, elle se réalisera, t'as ceux contre qui la parole de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas. Même si tous les signes leur provenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Ils reçoivent tous les signes, hein. Ils voient tout, mais malgré cela, ils ne vont pas croire. Subhanallah. Ça, c'est dans Surat Yunus, c'est Surat 10, verset 96-97. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمِ الْمَلَائِكَةِ وكلمهم الموتى سبحان الله يعني الموتى للموت il leur parle hein ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله سبحان الله. Et si nous faisions descendre eux, les anges vers eux, ça veut dire qu'ils voient les anges, c'est partie de l'invisible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, eh bien, s'il leur fait descendre les anges, et il les voit. Hein? Et si les morts leur parleraient, yani, le mouta, ce qu'ils ont eu, eh bien, ils se mettent à leur parler, à leur dire, voilà ce qu'il y a, subhanallah. Et si nous rassemblons toutes choses devant eux, toutes choses qui ont été créées, ils ne croiraient que si Allah veut. Sourate Al-An'am, qui est sourate 6, verset 111. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, قُلْ أُنْدُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنَى الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Subhanallah. Dans sourate Yunus, donc sourate 10, verset 101, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la traduction du sens du verset, dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Et ici, l'explication que les ulama ils ont donnée, c'est que pourquoi une personne elle a le cœur qui est scellé. Qalbun taha ma'ouj bishiqbal. L'un nasaïh ou rien du tout. Ça, c'est en fait, ils ont expliqué ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle les cœurs des gens, il ferme les cœurs des gens. À qui? À ceux que la vérité leur est venue, ils l'ont vu. Ils l'ont compris et ils ont su que c'était la vérité. Tu vois? Mais ils se sont détournés de cette vérité-là. Alors Allah a scellé leur cœur. Ça veut dire que tu peux leur apporter tout ce que tu veux. Même quand le maut est jiu, yahki, omaha, ça. Ils vont pas croire. Tu vois? Tu vois, c'est pour ça que c'est une ni'ma, comme on disait. Si Allah il te donne la possibilité, subhanallah, d'apprendre du ilm et d'agir dessus, c'est pas donné à tout le monde, yahki. C'est pas donné à tout le monde. C'est une ni'ma. Et c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Tu vois? Et ces versets-là qu'on a cités, ça se trouve dans de nombreux passages du Coran. Donc, si le cœur il est dur, le savoir et la science ne peuvent pas lui être bénéfiques. Hein, il a quel qalbi kun qasiyan, hajiriyan, qu'il haja, et ben l'ilm, ça va lui servir à rien. Même s'il comprend tout. Il sait où est-ce que le haq il est. Même s'il le sait tout ça, alors que son cœur, il est comme ça, ça va lui servir à rien. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas agir dessus. C'est que si la personne, en plus qu'elle est dans cet état-là, eh bien, elle ne cherche pas à se sauver. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas encouragée à rechercher le ilm. C'est-à-dire qu'elle préfère rester dans l'état où est-ce qu'elle est. La troisième cause, c'est... En fait, il y a un qiyam mana'. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose, en fait, qui va l'empêcher... d'agir sur cette vérité-là, alors qu'elle le sait. Comme ils disent, قِيَمْ مَانَعْ وَهُوَ إِمَّا حَسَدْ أَوْ كِبْرْ. C'est l'un des deux, soit de la jalousie, l'envie, l'envie pas qui est bonne, c'est-à-dire que par exemple, t'envies un frère qui est pieux, tu vois ce que je veux dire? T'aimerais, مثلاً, être mieux que lui, ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Tu vois? Ça c'est une bonne envie. Ça veut dire que toi, tu essaies de faire une compétition. Non, on ne parle pas de cette envie-là. On parle de l'envie qui est mauvaise, négative, la jalousie. El-kibr. وَذَلِكَ مَانِعْ إِبْلِيسِ مِنَ الْإِنْقِيَادِ لِلْأَمْرِ وَهُوَ دَاءَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهِ. Et ça, c'est quoi? C'est l'envie et l'arrogance, le kibr, l'orgueil. Ça, c'est ce qui a empêché Iblis, Satan, de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi la maladie des premiers et des derniers, excepté ceux qu'Allah a miséricorde sur eux. Excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a miséricorde sur eux. Une chose présente dans le cœur qui empêche d'appliquer un savoir, c'est soit la jalousie, l'envie négative, soit l'orgueil, l'arrogance. Et comme on avait dit, c'est ce qui a empêché Iblis de se soumettre à l'ordre d'Allah. Et c'est ce qui a fait que les Juifs qui ont témoigné et reconnu la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, ils l'ont reconnu. Ils n'ont pas eu la foi. La jalousie. Pourquoi la jalousie ici? Parce que eux, ils voulaient en fait que le prophète vienne, parce qu'ils l'avaient dans leur livre, qu'il y avait un prophète qui allait arriver et il arrivera au niveau de Médine. C'est mon jour de ça dans leur livre. Et ce qu'il y a, c'est que eux, ils annonçaient ça déjà aux chrétiens. Ils leur disaient, voilà, il allait, et puis ils leur disaient ça. Et eux, ils espéraient que ça provient un prophète des Béni Israël, des enfants d'Israël. Israël qui est l'enfant d'Ibrahim. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils souhaitaient que ça provienne d'eux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est provenu des Arabes. Et donc ils ont eu de la jalousie. Et lorsqu'ils sont venus, ces juifs-là, vous vous en souvenez, on avait vu ça, c'est qu'ils sont venus voir le prophète, mais ils lui ont posé des questions que seul un prophète peut répondre. Ils ont voulu tester s'il était un prophète. Il a répondu à toutes les questions et ils ont répondu Innana nashhadu innaka lanabi. Nous témoignons que tu es un prophète. Mais ils n'ont pas eu la foi. Pourquoi? Parce que ils ont refusé de le suivre et se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala par jalousie. Subhanallah. Al-hasad. L'envie, la jalousie. Tu vois? C'est ça. Et ce fut aussi ce qu'a fait Abu Jahl. Abu Jahl. Son nom, le vrai nom de Abu Jahl, c'est Abu al-Hakam. Ok? Et il a été appelé Abu Jahl en tant que donc le père de l'ignorance du Jahl, en tant que ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fut aussi le cas pour tous les polythéistes. Ils ont refusé la foi malgré qu'ils ne doutaient pas. Ils ne doutaient pas, ils n'avaient pas un shak. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique et il était sincère et que c'était un prophète. Ils le savaient. Il disait, il n'a jamais menti sur les gens. Et il ne mentira jamais sur le Seigneur des gens. Ils disaient ça entre eux. Mais lorsqu'ils étaient devant le prophète, ils essayaient de le faire croire que voilà, t'es un fou, t'es un sorcier, t'es un subhanallah. Donc, mais qu'est-ce qu'il leur a fait ici? C'est l'orgueil et la jalousie qui les a empêchés de suivre et d'agir sur la vérité. La quatrième cause, c'est quoi? Qu'est-ce qui est une cause qui fait qu'une personne n'applique pas une vérité lorsqu'elle lui parvient? Riyasa wal mulk. Lorsque la personne, en fait, a, yani, gouverne, ou bien a un royaume. Ok? Riyasa ou el mulk? Riyasa, si on peut traduire littéralement en français, c'est comme la présidence, entre guillemets. Yani, c'est celui qui gouverne, par exemple, un état, ou je sais pas, plusieurs états, ou quoi que ce soit. Ou el mulk, celui qui a un royaume. Eh bien, ça, c'est une des causes. Ici, ce n'est pas que la personne en question est arrogante. Ma'andesh el kibr. C'est cette personne-là qui gouverne ou qui a un royaume. Ma'andesh el-kibr, elle n'a pas l'arrogance. Elle n'a pas la jalousie. Ok? Ça ne rentre pas dans ça. Mais en fait, c'est sa position qu'elle risque de perdre si elle se met à suivre et appliquer la vérité. Elle se dit, si je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, en se convertissant à l'islam, elle risque de perdre son statut. Les gens risquent de venir ennemis à elle et puis lui dire, vas-y, t'es plus avec nous ou quoi que ce soit. Subhanallah. Ça m'a fait penser en fait, c'était en Suisse. C'était le parti d'extrême droite, vous avez entendu avec l'histoire des minarets, parce qu'ils refusaient que des minarets, ils construisent des mosquées avec des minarets en Suisse. Okay? Et c'était celui qui commandait le parti d'extrême droite, le président de la partie d'extrême droite en Suisse. Et bien ce qu'il y avait, c'est qu'il faisait des trucs comme islamophobes. Il faisait tout, des trucs contre l'islam. Subhanallah. Subhanallah. C'est qu'il avait dit qu'il recherchait dans le Coran, pour essayer de trouver des preuves, des choses contre les musulmans, pour leur dire, regardez-vous, votre religion, ce qu'elle vous dit. Et il avait dit qu'à chaque fois qu'il lisait dans le Coran, il avait des réponses à des questions qu'il n'a jamais trouvées dans la Bible, dans le catholicisme, le chrétienté, ça. Et il a dit, après, il s'est converti à l'islam. Il a caché son islam pendant 2 ans. Il n'a jamais dit, il l'a caché pendant 2 ans. Après, ce qu'il a fait, parce qu'après il en avait marre, il a lâché tout, il a lâché son poste et ça, parce qu'il commençait à leur dire, ouais, ça sert à rien d'attaquer les musulmans. Il n'a pas voulu leur dire. Voilà, il commençait à leur dire, faut laisser les musulmans tranquilles, ça sert à rien, c'est une chasse aux sorcières, ça sert à rien. Et après, dès qu'il voyait que son comportement a changé, il a dit, vas-y, je suis abonné ou je sais pas quoi. Donc il s'est dit, il leur a dit, vas-y. Après 2 ans, il leur a dit, je suis musulman et j'ai plus rien à voir avec vous. Mais subhanallah. Le truc c'est quoi? C'est qu'ici, si une personne a un certain pouvoir, alhamdoulilah, Rabbi Hadeh. Alhamdoulilah, Allah il l'a guidé. Mais il y a des gens, comme on verra, subhanallah, c'est que parce qu'ils ont ce royaume-là, ils gouvernent quelque chose, ils ne veulent pas le perdre. Et s'ils se mettent à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son message, eh bien c'est quoi? C'est qu'ils risquent de tout perdre. Ça a été le cas de Héraclius. On avait déjà parlé, Malik al-Rum. L'Empire romain. Et ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, dans les débuts. Okay? Dans le chapitre, si je me souviens, les débuts de la révélation. C'était Abu Sofiane, qui était de ce temps-là, on avait dit, un polythéiste. Parce qu'après Abu Sofiane, après, il s'est converti à l'islam. Et il est devenu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Mais Abu Sofiane, de ce temps-là, donc il était polythéiste, il est parti voir Héraclius. Héracle, l'Empire romain. Et il lui posait des questions. Il lui disait, quel est son message? Et Abu Sofiane répondait, il nous ordonne à ce qu'on adore Allah seul et qu'on mécroit et se désavoue de tout ce qu'adoraient nos ancêtres, et on doit le suivre en tant que prophète et messager d'Allah. Et ensuite, à la fin, il avait dit, Héraclius, il a dit, ce prophète, cet homme, ce prophète, il a reconnu que c'est un prophète, il a dit, possédera tout ce qui est sous ses pieds. Tout ce qui est sous ses pieds, il possédera. Tu vois? Et il avait dit, لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. Si j'aurais été près de lui, je lui aurais lavé ses pieds. Tu vois? Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il a réuni tout son peuple. Tout son peuple dans une arène. Et les arènes, c'est Winken ou Arfi Darbo et tout ça, là. Yani, il faisait des combats et tout ça. Il a réuni tout son peuple là-bas et il a fermé les portes. Et il leur a tous dit de suivre, en fait, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À peine il a dit ça, les gens ils se sont retournés et ils sont tous partis vers la porte, ils voulaient sortir. Dès qu'il a vu ça, il a dit, il va perdre son royaume, il va tout perdre, parce que les gens ils veulent pas, tu vois. Et donc, il a choisi le kofr à l'islam. Subhanallah. Et donc les ulama ils ont dit, dès qu'il est mort, parce que c'était lui le responsable qui gouvernait tout. C'est pour ça, c'est une responsabilité ça, gouverner. Lorsqu'il est mort, il est mort en tant que kafir et il prend tous les péchés de tous ceux qui sont morts dans le kofr. De son peuple, tu vois. Donc c'est ça. Il avait un pouvoir, il a refusé la vérité. Pourquoi? Il savait la vérité. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de perdre son mulk. Et c'est aussi la maladie de Pharaon et son peuple. Pharaon et son peuple. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنَ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمَا عَابِدُونَ. Hein? Ils dirent, croirons-nous en deux hommes, yani en Moussa et Haroun, qui ont été envoyés à Pharaon. Croirons-nous en deux hommes comme nous, dont leur peuple sont nos esclaves? Surat al-Mu'minun 23, verset 47. Donc ils ont refusé en fait de suivre Moussa et Haroun, alayhuma salatu wassalam, et les enfants d'Israël, qui étaient leurs esclaves. C'est pour cela que lorsque Pharaon, eh bien, il voulait en fait, il voulait en fait suivre le message de Moussa alayhi salam. Il a consulté ses ministres qui lui dirent, tu es déjà une divinité. Ils ont dit ça à Pharaon, tu vois, ses ministres. Que les gens adorent, tu es une divinité que les gens adorent. Et tu veux devenir un serviteur qui adore autre chose en dehors de toi. Donc Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre Moussa alayhi salam et a choisi de préserver son royaume et préserver son mensonge que lui, les gens ils doivent l'adorer lui. La cinquième cause, c'est le désir, shahwa, et l'argent, le mal. Ça c'est aussi une des causes qui font qu'une personne, lorsque c'est la vérité, ne va pas la suivre ou agir dessus. C'est ce qui a empêché beaucoup de gens du livre à refuser la foi. Notamment, c'est ce qu'utilisaient en fait comme outil les mécréants de la tribu de Quraysh, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Celui qui aimait la fornication, les habs zina, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils allaient le voir en lui disant, afin de s'assurer qu'ils ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disaient à ce genre de personnes, Mohammed yuharram zina wal khamr. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il rend illicite la fornication et la consommation d'alcool et de vin. Et donc celui-là qui aime ça, il va dire, ah ben non, ben, je ne vais pas alors le suivre parce qu'il interdit ça, subhanallah. Et beaucoup parmi les gens du livre refusaient le message de l'islam car leur désir ne pouvait pas être assouvi s'ils deviennent musulmans. En plein, ils sont comme ça. Ben, si je deviens musulman, je ne pourrais plus manger de porc, je ne pourrais plus boire d'alcool. Et moi j'aime bien boire le vin et ça. Oh, le billet, tu vois, et t'en as, c'est comme ça. Hein? Donc ils préfèrent assouvir leur désir, leur shahwa, et leur... Il y en a pour ne pas accepter le message de l'islam. Il y en avait même qui disaient que si je deviens croyant, et je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je le suis. Le problème c'est que moi j'aime le vin. Donc si je continue à boire, vous me fouetterez. Donc je préfère boire, comme ça je ne serai pas fouetté et puis c'est pas grave, j'en ai pas besoin de la foi. Il y en a d'autres qui vont dire, j'ai des parents qui sont riches ou qui sont rois. Donc vous savez qu'en islam, si une personne elle est musulmane, par exemple dans une famille qui ne sont pas musulmans, la personne elle devient musulmane, elle ne peut pas hériter de ses parents. Ok? Elle n'a pas le droit. Yurush, tu vois, il ne peut pas hériter de ses parents. Ils se disent, ouais, mais si je me convertis à l'islam, voilà, si j'accepte l'islam, mes parents ils sont riches et s'ils meurent, je pourrais rien hériter d'eux. Lui, il a tout perdu, hein, Tu vois? pour argent et le trône. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Yannick, un des compagnons Suhaib, que lorsque les Quraysh ils l'avaient attrapé, qui voulaient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ils l'ont attrapé, il lui a dit, tu as des richesses. Il avait plein de richesses. Il a dit, je vous donne tout, laissez-moi rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont lâché pour prendre toutes ses richesses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Suhaib a fait la meilleure des transactions. Subhanallah. Donc après, parce que comme on disait, ok, personne ne perd l'argent. L'argent, ça se remplace, voilà ça. Mais la foi, ça ne se remplace pas. La foi, ça ne se remplace pas. Les personnes qui sont mortes mécréantes, ils diront, lorsqu'ils verront la vérité, ils la verront dans le qabr, tu vois, dans le tombe, et ils verront le châtiment, ils demanderont à Allah, subhanahu wa ta'ala, nous croyons maintenant. Laisse-nous revenir, donne-nous un délai. Et nous, on t'adorera. Et on fera du bien. Mais Allah a dit que ce sont des menteurs. Même s'ils repartaient, ben ils continueront, ils referont ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y en a, parce que l'argent, ils se disent, si je me convertis, je vais tout perdre. Donc, non, non, moi je préfère, au moins tu vois, j'y hérite et puis, subhanallah. La sixième cause, on en est à la sixième cause. La sixième cause, c'est l'amour pour la famille et les proches parents. Les gens que, ils aiment l'ahl n'tahum, ou l'aqarab, ok? Ils aiment leur famille et leurs proches parents. Le problème, c'est que, et bon, ça on parle yani, dans les familles non musulmanes, mais ça arrive même dans les familles musulmanes, subhanallah. Tu vois? Ça arrive même dans les familles musulmanes. S'il y a quelqu'un dans la famille qui commence à apprendre et à suivre la vérité, il est vu comme, je sais pas, subhanallah, un intégriste, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il suit la vérité. Mais là, dans les familles, ce qu'il y a, c'est qu'une personne, elle voit que si elle se met à suivre la vérité, sa famille et ses proches risquent de l'exclure. Risquent de l'exclure, l'abandonner, s'en écarter, ne plus parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de suivre la vérité. Donc, il préfère rester dans le coffre pour garder sa famille et ses proches. Mais comme on disait, subhanallah, l'homme, il verra son fils, s'il en avait. Famille, son enfant, le jour du jugement. Il l'attrapera. Et il lui dira, est-ce que j'ai été un bon père avec toi? Il lui dira, oui, tu étais le meilleur. Et il lui dira, j'ai besoin d'une hasana, d'une bonne action. Si tu peux me la donner. Et il va lui dire, désolé, je ne peux pas le faire. Subhanallah. Tu vois? Donc ça ne sert à rien de t'attacher à des créatures. Tu vois? Mais il y en a, parce qu'ils ont cette maladie-là. Les proches, non, ils sentent bien, il n'a pas envie de. L'islam, il ne te demande pas de couper les liens avec ta famille. Subhanallah. Au contraire. L'islam fait que tu dois préserver les liens avec ta famille. Ok? Il y avait même Asma, bint Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc Asma, la fille d'Abu Bakr, qui est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant à propos de sa mère qui est polythéiste et qui veut garder les liens avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Yani, comporte-toi bien avec ta mère. Ça ne veut pas dire que parce que la personne est devenue musulmane qu'elle coupe et elle jette ses parents, c'est pas ça. C'est tes parents, tu te comportes bien avec eux. Et s'ils te poussent à faire du shirk, tu les écoutes pas. Et s'ils te poussent à désobéir à Allah, tu les écoutes pas. La sam'a wa la ta'a, tu vois, fi ma'siyati Allah. Il n'y a pas d'écoute ni d'entente si quelqu'un, n'importe quelle créature de la planète te dit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'est interdit de lui obéir. Mais tu te comportes bien. Ça ne veut pas dire tu désobéis, Marlène, tu as tué la guerre, ou là tu frappes, ou là non, c'est pas ça. Tu te comportes bien. Okay? Et le truc c'est quoi? C'est qu'il y en a eh ben, qui ont cette cause-là et que ça les empêche de suivre la vérité malgré qu'ils la connaissent. La septième cause, c'est l'amour pour la patrie et la maison. Hubb nta'al watan. Hein? Hubb nta'al watan. Ça c'est une grosse maladie parmi les musulmans notamment. Subhanallah. Yani le hubb nta'al watan qui fait que une personne se dit, là on parle d'une personne qui est déjà dans son pays, dans un pays par exemple, X. Que si elle se met à suivre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle devra émigrer. Elle dit, j'ai pas envie de quitter mon pays, j'ai pas envie de quitter ma maison. Donc je préfère pas le suivre, Samni, et je préfère rester sur ce que je suis. Donc il y en a qui vont préférer ignorer la vérité. C'est pas qu'ils sont ignorants. Même Jahlin, ils savent le haq, ils savent la vérité. Mais ils vont délibérément fermer les yeux dessus, tu vois, pour assouvir cet amour de la patrie et de la maison. La huitième cause, si la personne accepte l'islam et suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette personne voit donc que c'est comme une insulte pour ses parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est le cas de Abi Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voit que s'il le suit, ça veut dire que ses parents étaient dans le faux. Ils étaient fil batl, c'était des kuffars et des mushrikines. Parce que lui, il a accepté l'islam. Pourquoi en fait il a refusé l'islam? Abi Talib est mort en tant que mécréant, parce qu'il voulait, il n'acceptait pas que s'il se convertit à l'islam, eh bien automatiquement, il dirait, eh bien ses ancêtres étaient des polythéistes et étaient des mécréants. Il n'acceptait pas ça. C'est pour cela que l'ennemi d'Allah, Abu Jahl, a dit à Abi Talib, alors qu'il était dans son lit, mourant, lui a dit, « Targhub an millat Abd al-Muttalib, fas-tu te dissocier de la communauté de Abd al-Muttalib, dans leur religion à eux, comment ils étaient, dans leur polythéisme et dans leur mécréance. » Et la dernière parole alors qu'il a dit, qui est sortie de la bouche de Abi Talib, fut « Je suis, je reste sur la communauté de Abd al-Muttalib. » Il est mort dans la mécréance. Et il a refusé de témoigner de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à son lit et lui disait « Qul la ilaha illallah » et il a refusé. Donc il est mort en tant que mécréant. Malgré cela, ce qu'il faut savoir, c'est que Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écrivait des poèmes indiquant qu'il admet et croit en la véracité de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il a écrit certains poèmes qu'ils ont ramené les savants, ils ont dit « وَلَقَدْ عَلِمْتَ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ » Subhanallah. Il a dit « J'ai appris, j'ai su que la religion de Muhammad, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure de toutes les religions. » Et dans un autre poème, il avait dit « فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مَسَبَّةً تَجُرْ عَلَى أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَالِفِ لَكُنَّا تَبَعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالِ » Subhanallah. Il avait dit, si ce n'est pas par en fait, par le fait que s'il va se convertir à l'islam, tu vois, il va se dire que c'est comme une... Lui, il a voyé une insulte. Il a voyé en quoi? C'était quoi l'insulte qu'il a voyé? C'est le fait de dire que ses parents et ses grands-parents et ses grands-grands-parents, arrière-grands-parents, tu vois, étaient tous des kofars, des mécréants et des polythéistes. Il avait dit, si ce n'aurait pas été par cette insulte-là, on l'aurait tous suivi. Dans tous les cas, subhanallah. Donc c'est ce qui l'a empêché d'accepter l'islam, après avoir eu la certitude que la véracité se trouve dans le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La neuvième cause, et il restera une cause, inshallah, ça va rapide. La neuvième cause, c'est en fait, c'est le fait qu'une personne, elle suit une personne qui oppose la vérité. Elle est amie avec cette personne-là. Et elle se dit que si en fait, il y en a même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même de nos jours. Si par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui, eh bien, accepte la vérité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle ne va pas se convertir. Elle ne va pas accepter de se convertir à l'islam, de se soumettre à Allah et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a son ami qui est l'ennemi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle se dit, si en fait elle va se convertir, c'est un peu comme si que je lâchais cet ami-là. Voilà, je le trahissais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça veut dire que bon, si lui c'est l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien moi, en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que moi-même, eh bien il deviendra mon ennemi aussi, tu vois. Donc il préfère ne pas le faire. Et aujourd'hui c'est aussi de nos jours comme ça. Si vous voyez, il y a quelqu'un qui suit en fait les chemins de la déviance, subhanallah, une des sectes égarées. Il entend le message d'un frère qui lui dit Allah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les compagnons, il le dit comme ça. Ce qu'il y a, c'est que parce qu'il est ami avec la personne qui est déviée, il refusera d'accepter n'importe quoi de ce frère-là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas en fait léser son ami. Subhanallah. La dixième cause, ce sont les traditions. Taqalid. Il y en a qui sont éduqués avec des traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam toute leur vie. Toute leur vie. Si bien qu'ils croient en fait que ça fait partie des choses naturelles de la vie. Et c'est pour ça que lorsque si la vérité vient à cette personne-là, ça va être difficile pour elle de se détacher de cette tradition. Parce qu'elle était, tu vois, très longtemps dans cette tradition-là. T'imagines, je sais pas, moi, 40 ans dans une tradition, rien à voir avec l'islam. Elle entend la vérité au jeu, yani, je sais pas moi, un certain jour. Elle voit que c'est la vérité, elle a toutes les preuves, mais elle ne pourrait pas l'accepter. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas en fait à se détacher de cette tradition-là. Et donc, comme je disais, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle les cœurs des gens. Il scelle les cœurs des gens. Ça veut dire qu'il les ferme. Yughliq al-qulub de qui? De ceux qui ont reçu la vérité, mais qui en fait refusent de la suivre. Pourquoi? Par une des causes. Soit par le fait le nafs, soit le shahwa, comme on disait. Mais c'est vrai ça. Là, il dit, ouais, ne suis pas Mohammed, parce que Mohammed, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il interdit l'alcool et le zinah, par exemple. Et l'autre, il dit, ah bah oui, moi j'aime bien ça. Donc si après, si je me convertis, ça veut dire que je suis obligé de ne pas faire ça. Inch'Allah, demain, on fera un autre sujet, Inch'Allah, bi-ibnillah. Hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.